l'amour, cette chose qui fait tant de malheur. Oh, pourquoi? C'est fini, et c'est comme ça. La vie à deux n'a plus de sens. Fini pour nous le jeu de la haine et de la mort. C'est fini, et c'est comme ça. La vie à deux n'a plus de sens. Jouons plutôt au jeu de l'amour et de la vie. Ça veut dire c'est fini.